Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons ce matin le troisième partage sur la troisième épître de Jean. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par un mot de prière. Notre Père du ciel, nous sommes tout à toi ce matin encore une fois. Nous t'appartenons à 100%. Non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que tu as fait de nous. Nous pouvons dire avec certitude que ceux que tu as choisis de toute éternité t'appartiennent pour l'éternité. Nous sommes à tes pieds. Nous désirons, encore une fois, que tu nous instruises, que tu nous apprennes à te regarder tel que tu es et qu'on apprenne aussi à se regarder tel que tu nous vois, afin qu'on puisse être de bons serviteurs, de bonnes servantes et qu'on puisse, Seigneur, te louer, te glorifier, t'adorer, te servir comme seul Dieu a le droit de l'être. Au nom de Jésus, amen. Donc, si vous voulez bien, nous allons prendre le temps de résumer quelques instants. Jean a écrit à Gaius. Il a écrit à Gaius pour lui transmettre sa joie, cette joie qu'il a de voir ses enfants marcher dans la vérité. Et aussi, je crois que il veut lui transmettre quelque chose qui se passe dans l'Église, que nous allons voir probablement seulement que demain, avec un nommé Diotrephe. Donc, Jean tire, on a vu ensemble qu'il tire de la joie, que Gaius est un bien-aimé de Dieu et des frères. Il est dans la joie parce que Gaius aime la vérité, marche dans la vérité, proclame la vérité. Et nous allons voir une autre raison, une autre chose qui fait la joie de Jean. Il marche dans la vérité et Gaius fait quelque chose par rapport aux frères, qui réjouit aussi Jean. Prends le temps de le lire à partir du verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, Jean amène ici devant Gaius qu'il est réjoui de l'attitude de Gaius envers les frères qui jouaient le rôle de ce qu'on appelle peut-être aujourd'hui de prédicateur itinérant ou de missionnaire. C'était la coutume dans ce temps-là qu'il y avait des enseignants qui allaient de ville en ville pour prêcher, ou pour apporter des informations, des instructions, des lettres de la part ici des apôtres. Donc, Paul, comme on a déjà vu dans d'autres livres, Paul va envoyer Tychique, il va envoyer Tite, il va envoyer Timothée dans différentes églises pour apporter soit des lettres ou soit de l'information, des instructions aux églises. Et donc, la façon dont on recevait ses frères disait beaucoup aux apôtres. Et il y avait aussi cette idée de, il y a des gens qui partaient pour aller vers d'autres lieux, d'autres villes, d'autres provinces romaines, pour établir des églises. Il dit au verset 5, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même pour les frères étrangers. » Donc, la façon que Gaius agissait envers les frères qui étaient là, près de lui, et la façon qu'il agissait pour les frères étrangers, donne de la joie à Jean. Et les frères, au verset 6, les frères qui ont été reçus par Gaius sont remplis aussi de reconnaissance et rendent un bon témoignage de Gaius un peu partout là où ils vont. Ici, ils parlent à Jean de Gaius, mais aussi ils vont rendre témoignage de Gaius devant l'Église. Il dit au verset 6, en présence de l'Église. Donc, ces frères-là qui étaient arrivés de d'autres places, d'autres lieux, de d'autres regroupements de chrétiens, rendent témoignage d'un homme Gaius qui a pris soin d'eux autres, qui a pourvu à leurs besoins. Est-ce que l'Église connaissait Gaius? Peut-être, peut-être. Mais certainement que Jean le connaissait parce qu'il lui écrit. Il dit, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Il dit, ces gens-là, maintenant, qui sont des frères pour toi étrangers, et je crois que c'est ces frères-là qui apportent la lettre à Gaius, il dit, tu feras bien de pourvoir à leur dépense de voyage d'une manière digne du Seigneur. C'était la coutume. On le voit, si vous avez lu le Nouveau Testament, le moindrement, vous allez voir même dans la vie de Jésus, il y avait des gens qui étaient autour de Jésus, qui prenaient soin de Jésus, financièrement, matériellement. On s'occupait de lui, on s'occupait des affaires bien ordinaires comme laver le linge, faire de la nourriture, préparer des chambres, passer les maisons, passer la chambre haute, puisque Jésus a fait le repas du Seigneur pour la première fois. Il y avait toutes sortes, il y avait toute une organisation autour de Jésus, que bien des fois on oublie, que peut-être des dizaines, des centaines de personnes autour, dans différentes villes, qui étaient préoccupés de s'occuper de tout ce qui concernait le côté logistique ou matériel de la vie de Jésus. Comme il y avait des gens qui s'occupaient aussi des apôtres, ou de ces missionnaires qui allaient de ville en ville prêcher l'Évangile, ou qui amenaient. Ces hommes-là, chez eux, et qui en prenaient soin. Donc, il dit, tu feras bien, Gaius, de les recevoir et de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Reçois-les comme si tu recevais Dieu ou Jésus. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça envers ces frères-là? Ailleurs, on nous a avertis, j'ai averti, de ne pas recevoir certaines personnes dans nos maisons. Parce qu'ils ne prêchaient pas la vérité. Et ici, il dit au verset 7, « Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis. » La raison de recevoir ces gens, la raison de s'en occuper, la raison de pourvoir leurs besoins financiers, matériels, c'est parce qu'ils sont là à cause de Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ. qui sont partis. Donc les enfants de Dieu vont s'occuper ou se préoccuper de ceux qui partent, de ceux qui voyageaient, qui se promenaient d'église en église, un peu comme facteurs des églises. Et ainsi, ils démontraient leur affection pour les apôtres. Ils démontraient aussi qu'ils voyaient les apôtres comme étant en autorité. Et ils voyaient aussi qu'ils partageaient la même foi envers ces gens-là. C'est la même vérité ici que l'apôtre Paul a dit. Partagez vos biens avec ceux qui vous enseignent. Même vérité. Même vérité qui a souvent été mal comprise, que Jésus a dit. Si quelqu'un vous donne un verre d'eau parce que vous êtes mes disciples, il ne perdra pas sa récompense. Je me souviens toujours qu'une fois, je faisais des visites, il y a une femme qui me dit « François, avais-tu un verre d'eau? » J'avais dit oui. Il faisait terriblement chaud cette journée-là dans mes visites. Et elle m'a dit, cette femme, je ne perdrai pas ma récompense, je te donne un verre d'eau. Donc, Dieu va bénir mon action. Et j'ai demandé à cette femme-là, est-ce que tu me donnes un verre d'eau parce que je suis un disciple de Jésus? Est-ce que tu me donnes un verre d'eau parce que tu crois que je viens au nom du Seigneur Jésus? Et là, elle hésitait pour répondre. Et j'ai dit, parce que si tu crois que je viens au nom du Seigneur Jésus et que je suis un envoyé du Seigneur Jésus, que je suis un disciple du Seigneur Jésus, tu devrais écouter ce que j'ai à te dire. Mais là, je perçois que tu veux me donner un verre d'eau et que tu espères que je parte après ça. Parce que tu ne veux pas écouter vraiment ce que j'ai à dire. Tu ne crois pas que je viens de la part de Jésus pour t'instruire. Elle dit, tu as raison. Mais dit, madame, vous n'aurez pas de récompense céleste parce que vous m'avez donné un verre d'eau. Le texte dit que celui qui donne un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est un disciple de Jésus-Christ ne perdra pas sa récompense. Et ici, c'est la même chose. Ceux qui reçoivent les frères qui venaient de la part de Dieu pour le nom de Jésus-Christ, de la part des apôtres qui étaient des envoyés de Jésus-Christ. Donc, les apôtres étaient des envoyés de Jésus-Christ. Les apôtres envoyaient des gens vers les autres croyants. Donc, de recevoir ces envoyés qui venaient de la part des apôtres, c'était comme recevoir celui qui avait envoyé les apôtres, Jésus-Christ. Et là, il dit, juste après, il dit, vous voyez qu'ils n'ont rien reçu de la part des païens. Parce que les païens aussi investissaient des argents dans leurs missionnaires. Eux autres aussi donnaient des argents à des gens qui venaient de la part de leurs prophètes. Dans le monde entier, vous savez, il y a des gens qui payent pour que des gens font du porte-à-porte. Il y a des gens qui investissent du temps et de l'argent pour envoyer des missionnaires dans le monde entier pour leur mouvement religieux. Vous savez qu'il y a des gens qui vont dans des pays et qui meurent pour leur foi. Les croyants, les chrétiens, ne sont pas les seuls qui font ça. Mais il dit, ils n'ont rien reçu de la part des païens, parce que les païens ne veulent pas encourager ceux qui se présentent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, c'est nous en manifestant, nous en s'occupant des autres enfants de Dieu, nous en s'occupant de ceux qui viennent de la part de Dieu et de Jésus-Christ, de ceux qui viennent de la part des apôtres dans le texte ici. Nous démontrons notre foi, nous démontrons notre adhérence, nous démontrons que nous sommes d'accord avec ce qu'il enseigne. Et au verset 8, nous devons accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, frères et sœurs, nous voulons que la vérité se répande dans le monde. Et la plupart d'entre nous ne vont jamais aller plus loin que leur petite ville. Mais il y a des gens qui vont aller loin pour emmener la vérité. Mais soyons certains que ceux que nous allons soutenir, ceux que nous allons encourager, ceux qui vont partir et qu'ils partent au nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils prêchent la vérité, là, ces gens-là, nous devons les recevoir, nous devons les accueillir et nous pouvons pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Donc, si je résume ce qui vient d'être dit, Jean est heureux de voir Gaius investir de son temps, de ses argents, de son énergie, d'utiliser les dons qu'il a reçus de Dieu afin de recevoir, d'accueillir chez lui et de payer pour que ces gens-là retournent vers Jean ou vers d'autres destinations. Et ça, ça le réjouit parce que ça dit à Jean que Gaius est du même bord que lui, est de la même équipe que lui, et qu'il aime le même Seigneur que lui. Parce que ces gens-là le font pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, les gens que je côtoie, les gens que je reçois, les gens que je soutiens dans la prière, financièrement, vont démontrer que si je marche dans la vérité ou pas. Parce que l'apôtre Jean ici dit bien à Gaius, sois bien sûr qu'ils viennent au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vérité. C'est ça qui va réjouir Jean, et non pas juste le fait qu'on donne notre argent un peu partout, on aide n'importe qui. Ce qui réjouit Jean dans le contexte ici, c'est l'amour que Gaius a pour les frères qui sont partis pour le nom de Jésus-Christ et qui prêchent la vérité. Notre Père du ciel, donne-nous du discernement afin de reconnaître ceux qui viennent pour ton nom, afin de reconnaître ceux qui prêchent la vérité. Donne-nous de sonder les esprits, comme tu nous dis ailleurs dans ta parole. Nous sommes exposés maintenant à toutes sortes de livres, de littérature. Nous sommes exposés à toutes sortes de choses par la télévision, par l'Internet. Nous pouvons écouter des hommes qui prêchent de partout sur la planète. Donne-nous du discernement afin de soutenir dans la prière et financièrement ceux qui sont là pour le nom de Jésus-Christ et pour l'avancement de l'œuvre de l'Église qui est le corps de Christ. Parce que ce que nous voulons, c'est que ton Fils soit glorifié, c'est que la vérité soit glorifiée et exaltée et prêchée. Donc nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.